Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, une question qui nous taraude depuis même avant le début de Ludologie, c'est le jeu et la pédagogie. Sont-ils les meilleurs amis ? On a notre petite idée sur la question, mais nous avons, comme toutes les deux semaines, un invité qui vient répondre à nos interrogations. Et cet invité, Adrien, bonsoir, c'est Aurélien Lefrançois. Aurélien Lefrançois a pas mal de projets. On va s'arrêter sur un de ses plus récents, dont je ne prononcerai pas le nom parce que je le prononce mal. Il saura mieux le faire que moi. Mais avant toute chose, on va pouvoir le laisser se présenter. Alors, je vais quand même préciser que Aurélien est game designer, ce qui tombe sous le sens dans une émission où on parle de jeux, bien évidemment. Mais c'est un game designer un petit peu particulier. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir, Manuel. Bonsoir, Adrien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, déjà, et puis tes projets actuels? Commençons par le parcours, un petit peu. Bien sûr, donc j'ai en fait une formation de mathématiques, je fais une licence de mathématiques il y a quelques années, qui s'est poursuivie par une bifurcation vers une licence de game design à Montpellier, à l'université Paul Valéry. Et après ça, j'ai enchaîné par un master de game design à l'Engmin à Angoulême, au CNAM Engmin, et voilà, donc qui m'a permis d'avoir quelques connaissances dans la conception de jeux. Le jeu sous deux formes principalement, le jeu vidéo et le jeu de société, puisque la licence et le master sont plutôt axés jeux vidéo, mais il y a une possibilité d'avoir de tester de la création de jeux de société. Il y a des cours qui sont faits, notamment on a eu une intervention de Antoine Boza, le créateur de Seven Wonders, on a eu cette grande chance à Angoulême. Et donc du coup j'étais intéressé par les deux aspects, ce qui m'a mené à faire un stage à l'entreprise Formagraph à Besançon, qui développe un serious game pour lutter contre l'illettrisme qui s'appelle Imagana. Et après ça, je me suis concentré sur un projet personnel qui combine un petit peu mes deux passions, qui sont le game design et le voyage. Donc le projet qui est un petit peu compliqué à prononcer effectivement s'appelle Ludi Voyaggio. C'est de l'espéranto, ça veut dire le jeu et le voyage. Et ça consiste en un tour d'Europe d'animation, d'ateliers, de création de jeux de société. Donc c'est-à-dire, j'ai prévu en amont un certain nombre de structures assez différentes dans plusieurs pays européens, et je leur proposais un atelier dans lequel les participants étaient amenés à créer des petits prototypes de jeux de société en un temps limité. Donc je suis actuellement en milieu de voyage, c'est-à-dire que je repars mi-avril, et pour l'instant j'ai décidé de prendre une petite pause, déjà parce que je repars pour les Balkans et qu'il fait froid, mais ce n'est pas la raison principale, c'est aussi pour essayer de faire le point sur ce que j'ai pu apprendre de ces différents ateliers et essayer de retransmettre une petite partie de ce que j'ai appris autour de moi. Voilà. Alors, on va profiter justement de ce premier retour d'expérience. Il me semble, c'est une question aussi qui nous travaille depuis le début, qu'il y a différentes approches du jeu, ne serait-ce que dans la langue. Par exemple, le cas le plus connu, c'est en anglais la différence entre le play et le game. En allemand, il y a d'autres mots aussi. Justement, toi, quelle est ta vision sur la chose, toi qui as vu d'autres pays, d'autres conceptions du jeu ? D'un point de vue linguistique, tu veux dire, c'est ça ? De tout. C'est vaste. Oui, c'est vrai que c'est une question assez vaste. Langue ou gameplay, en fait. Pardon ? Adrien disait langue ou gameplay. Langue ou gameplay, d'accord. Bah effectivement, c'est une question vaste et c'est quelque chose qui m'intriguait. C'est aussi pour ça que j'ai fait le voyage. Le but, c'était d'essayer de comparer les différentes pratiques dans plusieurs pays européens, puisque on n'est pas forcément tout à fait au courant de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc peut-être quand même plus en Europe, mais par exemple, on a assez peu de connaissances, tout du moins contemporaines, sur les jeux d'autres continents, tels que, ben, par exemple, le Moyen-Orient ou l'Afrique. À titre personnel, j'ai été assez surpris de constater quelque chose de très spécifique, notamment, c'est que certains jeux de société ont, alors ça paraît assez trivial finalement, mais ont tout à fait franchi des frontières. Donc, par exemple, quand j'étais dans la plupart de mes pays, en fait, j'étais très surpris de voir que la plupart des gens connaissaient le jeu Double, qui est sorti il y a donc quelques années, 3 ans si je dis pas de bêtises, et qui était littéralement connu par tout le monde. Alors que j'avais aucune donnée là-dessus, je savais pas si ce jeu, quand même français, allait passer les frontières ou quoi. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai trouvé assez intéressant. Après, il y a aussi quelque chose qui est d'ailleurs plutôt chouette, c'est qu'il y a quand même un attrait pour le jeu qui est présent, enfin qui était présent, que j'ai pu voir un petit peu partout dans tous les endroits que j'ai pu voir. Ça paraît aussi assez logique finalement. Toutes les cultures ont joué, ont toujours eu un attrait pour ça, mais voilà, j'ai pu le constater tout simplement sur le terrain aussi. Voilà. Alors toi, tu as plutôt travaillé avec des enfants ou des adultes dans tes ateliers? À peu près moitié-moitié, c'est-à-dire que j'ai fait des ateliers avec des enfants dans des écoles, notamment en Belgique, en Slovénie, en Slovaquie, enfin c'est des adolescents en Slovaquie pour le coup, et en Pologne. Et j'ai aussi eu l'occasion de pas mal travailler avec des adultes d'autres types de milieux. Donc j'ai pu travailler pas mal avec des gens qui avaient déjà une affinité avec le jeu de société et qui étaient bah, évidemment assez intéressés par ce genre d'atelier. Donc là, notamment à Bruxelles, où j'avais la chance d'être en contact avec Thibaut Quintance, qui avait fait un voyage du même genre et qui avait pas mal de liens avec les jeux de société, enfin qui en a toujours d'ailleurs, et aussi avec d'autres personnes plus adultes, mais qui n'avaient pas forcément d'affinité préalable avec le jeu de société, et encore moins avec le game design. C'est-à-dire qu'ils jouaient hein, à des jeux, certains jeux sont vraiment vraiment connus partout, comme le Monopoly, mais pour ne pas trop le citer. J'ai fait notamment des ateliers avec des couchsurfers, donc des gens qui sont voyageurs et qui hébergent des voyageurs pour faire court, et qui étaient tout à fait juste intrigués par la création de jeux et qui se disaient, c'est fou, on peut créer un jeu en 3 heures, viens on essaye, ça a l'air bien. Et donc c'était assez différent. J'ai dû adapter mes ateliers en fonction puisque j'ai une méthode que j'ai développée pour l'occasion et qui s'adapte en fait à différents publics, qui va plus être peut-être dans la création manuelle pour les enfants, c'est-à-dire que il y a un épanouissement qui est certain pour les adultes aussi évidemment, mais vraiment tout particulièrement pour les enfants, à l'idée de créer quelque chose avec des pions, des pièces, de découper du papier, de faire voilà l'appel aux mains finalement. Et peut-être aller un petit peu plus loin dans les théories avec les adultes qui voilà qui avaient peut-être une attention un capital d'attention un peu plus long, je sais pas. Donc c'était un atelier, c'était des expériences assez diverses. C'est intéressant, ça fait écho à un article que j'ai pu lire récemment dans Chronicart qui faisait état de dans le jeu de société de deux conceptions, deux approches, les jeux à l'allemande très basés sur les mécaniques qui sont assez voilà qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler et alors ce qu'ils appelaient à l'américaine un peu par défaut où là c'était plus justement sur les pions là qu'il fallait avancer comme ça. Et toi, quel est ton regard justement sur ces différentes peut-être manière de jouer que tu as pu observer, manière de concevoir et de créer un jeu. Oui, je trouve ça assez juste. Notamment quand j'ai fait des ateliers avec des gens qui avaient déjà une connaissance assez avérée sur le jeu de société, ils connaissaient bah, des jeux, bah, notamment des jeux à l'allemande, voilà, des jeux assez abstraits de gestion de ressources qui étaient très cognitifs et qui faisaient appel plus à la logique qu'à la. Comment dire, qu'au respect d'un thème, on va dire. Du coup, les joueurs un peu vétérans que j'avais pu voir étaient très dans la cognition, dans le bon, bah voilà, on va faire ceci. Et souvent, le problème qu'ils rencontraient dans leur design, c'était une abondance de choses. C'est-à-dire qu'ils avaient plein d'idées qui étaient d'ailleurs individuellement assez précises à mettre dans le jeu et plein de pistes à explorer, notamment en se référant à différentes expériences de jeu qu'ils ont pu avoir, mais du coup des difficultés pour se concentrer sur quelque chose en particulier et a fortiori à rester un peu simple, on va dire, dans l'expression de ces, enfin, de ces idées pour en faire un jeu. Et au contraire, les jeunes avaient ce côté peut-être un peu plus dans la thématique et dans, bah, dans l'Amérique, dans le jeu à l'américaine. Effectivement, j'ai vu beaucoup de jeux de loi qui ont été créés parce que les enfants se référaient à quelque chose qu'ils connaissaient et que pour eux c'était très excitant de faire un jeu où ils créaient leur plateau, où ils bougeaient des pions et puis il se passait des choses qui faisaient appel à leur imagination, genre là il y a des requins, bon ben voilà, on se fait manger, on recule de trois cases, des choses comme ça. Et notamment en termes de matériel aussi, c'était assez intéressant. J'avais donc tout un gros pack de matériel qui m'avait été gentiment fourni par Tout pour le jeu. C'est mes sponsors, ils sont sympas. Et ce matériel, je dis ça comme ça. Oh, la Et pub est du coup, hontée. non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et donc effectivement, ce matériel dedans, il y avait notamment des petits pions poissons, des choses comme ça, des pions assez sculptés. Et ça, bah, ça a fait un énorme écho aux enfants qui trouvaient ça génial parce que c'était des poissons, on pouvait faire un jeu dans la mer. Alors que les adultes, bah, avaient tendance à moins s'en préoccuper parce que pour eux, le fait d'avoir un cube ou un poisson, c'était pas extrêmement grave parce que ça représentait une ressource de jeu et il y avait une capacité d'abstraction qui était plus importante. Même si j'ai aussi vu des adultes passer beaucoup de temps sur la création d'un joli matériel, ce qui finalement relativise un peu le propos, quoi. Donc du coup, Ludivo Yadjo, effectivement, le propos, c'est de travailler un peu la pédagogie en règle générale et la pédagogie du jeu notamment par la création de jeux. Toi, tu as déjà eu une expérience du jeu en tant qu'outil pédagogique, mais cette fois-ci dans sa pratique et non pas dans sa conception. Lorsque tu as travaillé sur un serious game, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de te dire, bon, alors je sais qu'un jeu, ça peut être pédagogique pour le joueur en tant que pratiquant, mais moi je pense que ça peut être plus intéressant pédagogiquement si on va travailler du côté du concepteur, du côté du game designer. Ben alors, la réponse principale que j'ai envie de te donner, c'est que je me sentais capable de le faire. C'est-à-dire que je trouvais, enfin, la formation, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel, et je trouvais ça intéressant de voir, d'un point de vue un peu empirique, à quel point est-ce que les ateliers de création allaient être perçus par les gens, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui allait les intéresser. Donc du coup, j'ai fait un petit peu des expérimentations là-dessus. Avant de partir en voyage, j'ai fait quelques ateliers avec des cafés ou en colonie de vacances, et j'ai pu voir que bah, ça marchait bien. Donc du coup, ça m'a conforté dans cette idée de ça apporte quelque chose aux gens. Et ce que je trouve intéressant avec la création de jeux de société, c'est que c'est quelque chose qui fait appel à pas mal de compétences assez différentes. Donc, je m'explique. On a notamment tout ce qui est ben, développement de la créativité pour tout ce que ça veut dire. On doit faire un brainstorming par rapport à un thème, tout ce genre de choses. Donc ma méthode utilise enfin, on va y revenir après, mais en gros, ma méthode utilise un peu des contraintes, et donc un des objectifs, c'est de se fixer des contraintes et de travailler par rapport à ces contraintes. Donc, du coup, on doit faire appel à notre imagination et aussi à notre logique pour se dire, bon ben voilà, on a telle contrainte et on peut se raccrocher à tel jeu, ou alors on sait pas, donc comment est-ce qu'on met ça en place? Donc, c'est un exercice qui est assez riche, assez vaste, et aussi qui finalement est pas, comment dire, qui n'est pas forcément très pratiqué et très courant. C'est-à-dire que on nous demande dans l'éducation, dans un cursus classique, tout du moins en France, qui est celui que je connais le plus fatalement, dans un parcours classique, on va nous demander finalement assez peu, alors pas jamais, mais quand même pas forcément tant que ça, d'être créatif, d'imaginer des choses et de faire quelque chose qu'on connaît pas très bien et quelque part d'improviser un peu. L'autre chose qui m'intéressait, c'était la notion de travail en équipe, puisque tous les ateliers que je faisais étaient en équipe, donc dans un premier temps en groupe assez large de 8, 10 personnes pour jouer à des jeux et puis analyser les jeux auxquels on avait joué, et dans un deuxième temps dans des petits groupes de 2, 3, 4 personnes. En général, c'est des personnes qui se connaissaient pas, ou alors j'encourageais les gens, ou les gens s'encouragent eux-mêmes d'ailleurs, à se séparer et à travailler avec des gens qui connaissaient pas s'ils venaient en groupe. Donc du coup, ça permet de travailler son intelligence sociale quelque part, puisqu'on doit essayer de composer avec les attentes des uns et des autres, qui sont tout à fait différentes à chaque fois, évidemment, sinon ça serait simple, et essayer de construire quelque chose ensemble en s'adaptant à l'autre, en faisant des compromis, et c'est quelque chose, voilà, qui m'intéressait. Alors c'est quelque chose qu'on peut trouver avec le jeu dans sa pratique aussi, bien sûr. Donc le travail en équipe, surtout dans le jeu de société. Donc là, je pense notamment à des jeux coopératifs, comme un de mes exemples favoris, c'est l'excellent Anabi, qui est un jeu coopératif où on n'a pas le syndrome du joueur qui connaît très bien le jeu et donc du coup qui drive tous les autres, qui est Pour rentré dans d'autres information, jeux. c'est un jeu de cartes pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Un jeu de cartes créé par Antoine Bozza, dont on a parlé un petit peu plus tôt, et qui est basé un petit peu sur le jeu des devinettes que vous avez probablement tous pratiqué, vous, derrière votre poste, où en gros on a une carte sur la tête et on doit deviner le nom qu'il y a écrit dessus avec les indices que vont nous donner les autres joueurs en posant des questions. Anabi fonctionne un petit peu sur ces mécaniques-là, mais en ayant développé tout un gameplay qui enrichit la chose. Voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les joueurs, quand ils jouent à Hanabi, essayent de développer des stratégies avec des contraintes énormes, puisque on a une capacité de discussion qui est très limitée, enfin qui est imposée par les règles comme étant très limitée. Et du coup, on doit essayer de concevoir des stratégies, mais sans vraiment pouvoir se parler. C'est toujours intéressant de se dire, bon, bah, on doit se mettre dans la tête de l'autre personne. Telle personne m'a dit telle information. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? C'est quelque chose qui m'interpellait et que j'ai essayé de retrouver lors des ateliers de création. Et j'étais content de voir ouais, que l'émulation était au rendez-vous. Et donc ça, c'est des choses qui sont dans la pratique. Alors, tu l'as brièvement mentionné, tu as parlé un tout petit peu de ta méthode et tu as évoqué le fait que dedans, il y avait une partie pratique puis une partie création. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette méthode? Oui, bien sûr. Donc, c'est une méthode qui utilise comme outil principal quelque chose qui s'appelle les mécaniques cartes, qui sont des cartes donc fait maison, qui décrivent en fait les composantes des jeux de société. Donc, c'est des cartes qui sont découpées en trois grandes catégories. La catégorie mécanisme, où on va trouver des choses comme, je sais pas, le jeu de confrontation, le jeu de gestion de ressources, le mécanisme d'enchères, tout ce genre de choses. On va trouver une deuxième catégorie qui est la catégorie des compétences utilisées par le joueur pour pouvoir jouer au jeu avec succès. Donc on va retrouver la rapidité, la négociation, le calcul, la logique, tout ce genre de choses. Et une troisième catégorie qui est le matériel utilisé par le jeu. Donc là, le plateau, cartes, jetons, figurines, voilà. Donc ces cartes-là essayent en théorie tout du moins décrivent tous les jeux de société peuvent décrire tous les jeux de société existants et servent d'outils pendant enfin ces cartes servent d'outils pendant tout le long de mon atelier. Ils se décomposent en gros en quatre grandes parties. La première partie, c'est du jeu, c'est-à-dire en fait on joue, je sors un jeu, généralement un jeu assez simple comme Double, donc un jeu dont j'ai parlé tout à l'heure où juste on essaye de repérer le plus vite possible des points communs entre deux cartes, ou des jeux alors un petit peu plus complexes mais pas trop quand même, comme Zombie Dice, qui est un jeu où on lance 3D et on décide si on s'arrête ou si on continue, mais si on continue et qu'on a des dés qui nous conviennent pas, enfin qui sont négatifs, on perd tout ce qu'on a acquis, donc c'est un jeu où il faut savoir si on s'arrête ou si on continue, un peu comme le blackjack d'une certaine façon. Voilà, donc on sort ces jeux, on y joue un petit peu entre nous. Déjà parce que ça va permettre de créer des liens pour briser un peu la glace entre des gens qui ne se connaissent pas, et aussi pour donner un support. Puisque la deuxième étape, c'est que les jeux auxquels on a joué, on va les analyser. C'est-à-dire que je sors donc les mécaniques cartes, j'en explique le principe, je les expose à tous les participants, et les participants vont devoir prendre les cartes qui correspondent aux jeux auxquels ils ont joué. Exemple, Double, c'est quoi? C'est un jeu de correspondance où il faut avoir de la rapidité, tout ce genre de choses. Donc l'analyse est donc la deuxième étape, et ensuite les participants sont invités à créer une nouvelle règle aux jeux qu'ils ont analysés. Donc pour ce faire, je prends une mécanique art qui n'est pas dans le jeu auquel on a joué et je la mets, enfin je leur montre. Et leur mission, ça va être d'intégrer cette nouvelle carte de façon à créer une nouvelle règle du jeu qui incorpore cette carte et qui garde les cartes précédentes. Par exemple, intégrer du bluff dans Double, intégrer du bluff dans un jeu de rapidité, c'est toujours assez intéressant à voir. On y arrive plutôt bien d'ailleurs. Et la quatrième partie, qui est quand même la partie principale, c'est la partie création de prototypes, où là, en gros, je donne quelques conseils, quelques règles, quelques grandes lignes, où j'insiste notamment sur l'importance capitale et cruciale de tester ces jeux le plus vite possible, ces prototypes. Et je donne en gros une carte de chaque catégorie, donc mécanisme, compétences et matériel, à chaque petit groupe. Et ces cartes sont des contraintes qu'ils doivent respecter. Et donc ça peut paraître assez facile, mais quand on tombe sur un jeu par exemple de programmation, culture générale et je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de bien tordu, matériel créatif, bah c'est pas facile. Donc du coup ça force à se poser des questions, à essayer de voir les choses un peu différemment, à essayer de voir quelles cartes on utilise et lesquelles on n'utilise pas parce que c'est vraiment trop compliqué. Et voilà, donc ça donne des résultats qui sont souvent assez surprenants. Alors, tu as beaucoup parlé des mécaniques art. J'ai deux questions du coup. D'où est-ce qu'elles viennent et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors d'où est-ce qu'elles viennent? C'est moi qui les ai créées, donc c'est ma création perso. Pour les trouver, ben, il y a deux façons. Alors il va y avoir deux façons. La première façon, c'est qu'elles sont disponibles en version pas du tout mise à jour, mais ça viendra très prochainement. Elles sont disponibles sur mon portfolio personnel à lefrançois.com On en mettra en créatif. lien sur la page de Ludologie. Et ben voilà, super. Et ce sont des cartes en Creative Commons attribution, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles pour tous, on peut les télécharger, les imprimer, les utiliser, à condition de de juste mentionner à un moment que c'est moi qui les ai faites, mais ça tombe plutôt bien parce qu'il y a mon nom en tout petit sur les cartes en bas, donc cette étape est assez facile. Et la deuxième étape, c'est de ne pas les commercialiser ou de se faire de l'argent avec ces cartes. Bon, ça devrait plutôt bien se passer là-dessus. La deuxième façon de les avoir, c'est je vais bientôt les mettre à disposition sur le site Printer Studio en vente en fait. Donc, faut juste que je règle quelques changements sur ces cartes et quelques détails administratifs. Et sur Printer Studio, on pourra les acheter à prix relativement raisonnable. C'est quand même mon objectif. Et donc elles sont livrées directement à domicile pour pouvoir voilà, les utiliser sans se prendre la tête avec enfin, imprimer 36 cartes, c'est pas toujours très très facile. Et j'ai des gens qui m'ont dit que ils avaient un peu la flemme de le faire, donc je vais le mettre sur Printer Studio un peu pour ça aussi. Voilà. Alors, au-delà de l'aspect logistique, moi je profite de ton expérience donc avec ces mécaniques cartes qui sont assez intéressantes et qui me posent la question en fait est-ce qu'il y a des différences entre les jeux analysés et voire même créés par des enfants ou alors par des adultes? C'est une Oh vraie oui. question que je me pose. Alors, pour l'analyse, ça se passe de façon plutôt égale pour les adultes et pour les enfants. C'est-à-dire que, en général, les gens quel que soit le groupe, vont trouver les bonnes cartes. Parfois, certains groupes vont trouver des cartes qui sont pas celles auxquelles je m'attendais, mais ça peut permettre de créer un débat interactif qui est toujours assez intéressant et qui est toujours assez sain. Notamment sur certains jeux, sur certaines cartes qui peuvent être un peu ambiguës, notamment la carte, j'ai une carte déplacement, donc dans Double, est-ce qu'on déplace parce qu'on bouge des cartes? Bah oui, le débat est un peu ouvert, même si c'est pas comme ça que je vois les choses, mais voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, niveau analyse, ça se passe un peu de la même façon. L'ajout de règles, je l'ai testé assez peu souvent avec des enfants, mais en général, c'est potentiellement, ça peut être assez laborieux, parce que créer une nouvelle règle du jeu avec des cartes, c'est une contrainte qui est quand même très forte, qui va quand même assez loin dans l'abstraction, parce qu'on doit à la fois se dire, ok, on a tel jeu qui existe, on a telle règle qui sont déjà mises en place, il faut qu'on inclue cette règle en plus, comment est-ce qu'on fait ça? C'est des questions qui sont assez compliquées pour des enfants. Alors que pour les adultes, en général, ça se passe plutôt bien et c'est toujours assez étonnant de voir les choses se passer. Et sur la création de jeux, ben, c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure. En fait, les enfants vont plus souvent créer des jeux qui ont pas, qui cherchent pas, en tout cas, l'originalité du mécanisme et qui assument complètement le fait de ne pas le chercher. C'est-à-dire que le fait j'ai vu vraiment des tonnes de jeux de loi qui étaient créés par des enfants, ce qui leur posait absolument aucun souci, et d'ailleurs à moi non plus, puisque pour eux, le plus important, c'était vraiment voilà, construire quelque chose, exprimer quelque chose, et le jeu de loi, c'est quelque chose qui est tout à fait visuel, simple, évident, et dans beaucoup de pays, enfin dans tous les pays, on a une variante du jeu de loi, donc notamment une variante des petits chevaux qui est très populaire en Pologne, donc du coup, c'était vraiment la grosse référence dans l'école polonaise où j'étais. Et chez les adultes, on va essayer de chercher des mécanismes un peu plus originaux. On va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour se raccrocher sur les jeux existants, mais en s'en séparer en même temps. J'ai pu voir des jeux assez divers, des jeux de stratégie, des jeux de plutôt type party game. Donc voilà, c'était plus de recherche dans le mécanisme, moins de préoccupation dans la création, dans le matériel. C'était la grosse différence que j'ai pu observer. Effectivement, c'était un peu ma question de fond. C'est vrai que, notamment, par exemple, le jeu de loi, c'est ni plus ni moins qu'un jeu où on se déplace enfin, à partir d'un jet de dés au hasard, relié à un point A, un point B, où c'est juste la vitesse qui va être régie par le dé. Donc, en soi, ça paraît un peu trivial, un peu trop simple. Et alors que voilà, l'adulte très vite se lasse de ce genre de jeu et passe à des mécaniques beaucoup beaucoup plus compliquées. Est-ce que on sait, est-ce qu'on peut déterminer ce point de bascule où l'enfant, une fois qu'il a compris la mécanique, s'en lasse? Alors ça, je pense que ça dépend du passif comment dire, des habitudes de jeu des enfants. C'est-à-dire que je suis tombé notamment sur un jeune donc c'était à Ljubljana, il avait 9-10 ans, quelque chose comme ça, mais il était dans une famille de gens qui jouaient beaucoup à plein de jeux de société divers et variés. Donc lui, pour le coup, il m'a pas du tout fait un jeu de loi, hein. Il est parti il est parti et il a réussi à aussi driver son équipe qui était super enthousiasmée par l'idée. Ils sont partis sur un jeu où le but c'était un jeu de mime avec des conditions spécial, donc c'était un jeu d'ailleurs qui avait très peu de matériel, donc c'était aux antithèses de beaucoup de choses que j'ai pu observer. Donc je pense que comme ce jeune-là avait une très grosse habitude du jeu de société, enfin ouais, du jeu de société, il a pu avoir des idées qui lui sont venues de façon plus, enfin des idées assez diverses qui lui sont venues de façon plus naturelle quelque part. Et peut-être que le fait de jouer à plein de jeux, ça fait que assez logiquement il s'est lassé du jeu de loi parce que c'est quelque chose voilà, qui voit ses limites assez rapidement. Et j'ai pu aussi voir, alors du coup, c'est justement le contraire, des adolescents en Slovaquie, donc des lycéens, qui eux avaient plutôt 15 ans, quelque chose comme ça, et qui, je pense, étaient déjà, enfin, jouaient un petit peu chez eux, mais pas tant que ça. Quand ils jouaient, ils connaissaient donc Double dont j'ai parlé et jouaient à d'autres jeux, genre le Monopoly, des choses comme ça. Et en fait, certains sont revenus aussi assez logiquement sur le jeu de loi et cette fois en l'assumant complètement. C'est-à-dire que j'observais chez ces adolescents de 15 ans la même chose que j'ai pu observer chez des enfants de 8 ans, ce qui avait quelque chose de fascinant dans tout ce qu'il y a de positif dans le terme, parce qu'ils sont en fait retombés en enfance quelque part, quoi. Ils étaient contents de dessiner des choses, d'imaginer comment leur jeu de loi allait être conçu. Donc je pense que ce point de bascule dont tu parlais, il dépend vraiment de la culture au préalable des enfants, en fait. C'est une variable que j'ai encore beaucoup de mal à identifier et à déterminer, et ça peut, ouais, ça peut vraiment varier. Finalement, tout ça me donne à penser que sur le Divoyageo, c'est à proprement parler de la pédagogie du jeu en tant que tel que tu es amené à faire, plus que de la pédagogie générale. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'atelier pour apprendre les mécanismes qui régissent un jeu, les jeux qu'on pratique un peu tous les jours, enfin surtout nous, mais d'autres personnes aussi quand même, qu'on pratique un petit peu tous les jours et comprendre comment c'est foutu derrière. Et on est plus sur cette approche-là que une approche qu'on peut avoir dans des serious games où là, le jeu est un support pour apprendre autre chose. Alors oui, effectivement, c'est ce que je sais plus si j'ai dit ou pas en fait. Ça fait partie de mes préoccupations à l'heure actuelle, c'est essayer de pouvoir mesurer et quantifier l'apport de cet atelier. C'est-à-dire, est-ce que cet atelier développe vraiment la créativité? Est-ce qu'il développe vraiment le travail en équipe? Quelles sont les choses qui sont développées par cet atelier à proprement parler? Puisque pour le coup, là, j'ai de l'empirique, de l'observation, j'ai des hypothèses, des intuitions, mais j'ai rien de démontré, j'ai rien de prouvé, j'ai rien de scientifique et de rigoureux d'ailleurs. Et c'est un sujet qui, du coup, est vraiment très très vaste et sur lequel j'aimerais bien essayer de voir si mes hypothèses comme quoi ben voilà, la créativité est développée et le travail en équipe est bonifié, si ces hypothèses sont vérifiées ou pas. Voilà. C'est une belle fin de réponse. J'avais une idée et puis elle est partie, donc bon. Et ben ça tombe bien, on a plein de questions. Ça me pose deux questions assez contradictoires. C'est qu'on voit très vite en fait la fonction du jeu comme outil d'apprentissage, comme outil d'apprentissage de la mémoire, enfin de perfectionnement de la mémoire, du travail en équipe, ou même de l'apprentissage de la coordination pour les enfants. Ou des liens sociaux. Donc, cette première question, c'est quelle est la fonction du jeu? Et la deuxième, c'est est-ce que justement cette quasiment obligation de la fonction du jeu, ce but en fait recherché à travers le jeu, est-ce que ne vient pas annihiler la chose qui intéresse beaucoup les joueurs, qui est le fun? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Si, en fait, je pense que ça rentre d'ailleurs dans la définition d'un bon serious game. Je vais digresser un tout petit chouïa pour m'expliquer là-dessus. Si je ne dis pas de bêtises, le terme serious game est un terme qui a, ça c'est plutôt une anecdote, a pas beaucoup de sens, notamment dans la culture japonaise. Pourquoi? Parce que comment dire? Tous les jeux apportent quelque chose, donc le fait d'un jeu qui a cette vocation en plus, comme le serious game essaye d'avoir, n'a pas vraiment de sens en fait. Ça, disons que c'est déjà inclus dans le principe de jeu en soi. Et il y a un certain nombre d'études qui sont parues et sur lesquelles j'ai pas forcément trop de lettrage non plus, qui ont démontré l'apport en fait de certains jeux, non pas parce qu'ils voulaient forcément apporter quelque chose, mais parce qu'ils avaient des vertus intrinsèques. C'est-à-dire, je sais pas, quand on joue aux échecs, on va peut-être. Alors je dis quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition pure, hein, c'est pas quelque chose qui a été démontré ou quoi, mais quand on joue aux échecs, on va peut-être pouvoir s'organiser d'une meilleure façon. On va pouvoir, quand on pense à quelque chose, on va penser à plusieurs coups en avance, des choses comme ça. Et du coup, je pense qu'on peut garder le plaisir de jeu, le fun, même quand on a une dimension, quand même quand on a un apport en fait, quand on a vraiment quelque chose qui est apporté aux joueurs. Et je pense que c'est d'ailleurs un objectif que tous les serious games devraient essayer de viser, c'est-à-dire mettre le fun en valeur primaire, en valeur principale. On a toujours un épanouissement, un plaisir de jeu dans la manipulation, et que derrière, il y ait un apport, mais pas un apport qui soit envoyé au marteau, qui soit vraiment quelque part implicite. Donc c'est vrai que je m'en fais pas trop quand c'est bien fait, mais c'est pas vraiment facile de réussir à... Enfin, c'est une tâche qui paraît assez compliquée, et en fait ça l'est vraiment, essayer d'avoir un jeu qui soit fun mais qui apporte quelque chose de précis, parce que les apports des jeux sont des apports qui sont constatés, mais quelque part c'est presque une sorte d'heureux accident, quoi. C'est-à-dire on joue à tel jeu, ah chouette, ça m'apporte des compétences en plus, mais en tant que concepteur, que designer, je trouve ça très compliqué d'apporter quelque chose de précis tout en gardant le fun en tête. Donc voilà pour la deuxième question, et malheureusement je crois que j'ai un petit peu oublié la première. Est-ce que tu peux me la rappeler s'il te plaît? C'est quelles étaient les fonctions du jeu? C'est vrai qu'on connaît la partie apprentissage par exemple de l'esprit d'équipe ou de certaines, je sais pas, de certains comportements adoptés, aussi la coordination. Oui, donc là-dessus, je pense que effectivement, tous ces apports, la coordination, la socialisation aussi, qui est un aspect très important du jeu, hein. Alors, ça me rappelle une petite anecdote de voyage, donc qui est pas une anecdote précise, mais une anecdote assez générale. Je me suis rendu compte que le jeu Double, dont j'ai déjà pas mal parlé pendant le voyage, est un jeu qui est particulièrement intéressant et puissant à l'international. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où il faut dire donc le nom des symboles qui sont correspondants. Donc pour expliquer rapidement Double, il faut quand même de ces variantes, on a un certain nombre de cartes en main qui ont 8 symboles dessus. Au milieu, il y a une pile de cartes avec pareil 8 symboles. Et entre deux cartes, il y a toujours un symbole identique. Toujours un et un seul. Mathématiquement, c'est d'ailleurs intéressant. Donc notre but, c'est d'être le plus rapidement possible de poser sa première carte au milieu et de dire le nom du symbole correspondant. Et ainsi de suite. Ça paraît super facile, mais quand on joue à Double dans des langues étrangères, eh ben ça l'est beaucoup moins en fait. Parce que savoir comment est-ce qu'on dit cactus en allemand, ben moi j'avais un peu du mal. Donc du coup il y a un apport linguistique qui paraît assez léger, mais qui est vraiment présent dans Double, qui est justement cette espèce de petit effet de bord. J'utilisais aussi un autre jeu là-dessus qui s'appelle Pile Poil de Flip Flap Edition, qui est un petit jeu qui n'est pas connu mais qui mériterait à l'être, qui est un jeu où en fait on doit tout simplement, on a une carte avec des symboles qui est mise au milieu, et notre objectif est d'être le premier joueur à dire un mot correspondant à un certain symbole mais qui a un certain nombre de syllabes. Donc, je sais pas, il y a un oiseau au milieu, on doit dire un mot en une syllabe, on va dire bec, par exemple. Et ce jeu, dans l'apprentissage de la langue, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on doit du coup essayer de parcourir son dictionnaire interne assez rapidement pour essayer de trouver le mot adapté, quoi. Et quand on entend les autres personnes dire des mots, on se dit, ah bah oui, il y a tel mot qui existe, etc. Donc ça permet d'apprendre assez ludiquement, et je pensais que ça aurait un côté un peu chiant auprès de certains, auprès, enfin, je veux dire, dans l'apprentissage de la langue, pas le jeu en tant que tel, mais le jeu est tellement amusant en fait que les jeunes en redemandaient, c'est-à-dire même des jeunes de 8 ans qui étaient dans l'apprentissage de la langue et pas forcément très à l'aise, ils avaient envie de continuer à jouer à ce jeu, quoi. Donc c'était un apport constaté assez intéressant. Cet Voilà ce élément-là, que je peux te dire là-dessus. finalement, c'est un peu dans tes mécaniques hard, c'est la partie compétences. Ce sont les cartes. Alors les cartes sont découpées en trois couleurs. Ce sont les cartes vertes, c'est ça, sur lesquelles on va pouvoir avoir effectivement de l'apprentissage linguistique, des réflexes dans le cas de Double, de la capacité de mémorisation, de la capacité de narration. Voilà des compétences qui sont mises en jeu. Je ne dis pas de bêtises. Oui, non, c'est ça, c'est assez juste, effectivement. D'accord. Et alors, une question que je me pose au sujet des dites compétences, justement, et qui est soulevée parfois par des enseignants, c'est que le risque que, en fait, la compétence soit développée pour le jeu et uniquement pour le jeu. À savoir que l'enfant, dans le cas d'usage d'un jeu dans un cadre pédagogique, que l'enfant ait du mal à réinvestir cette compétence acquise dans le cadre du jeu ailleurs que dans le jeu lui-même. Alors oui, ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en considération. On en parlait avec des enseignants. Donc j'ai un contact notamment qui est passionné par l'enseignement et le game design, donc ça tombe plutôt bien. Et il me disait que bah lui quand il comment dire Le fait d'utiliser un jeu pour apprendre quelque chose, c'est vrai que sur le papier ça a l'air très bien, mais ça peut, je pense que c'est important, notamment quand c'est une compétence assez précise, c'est important d'avoir un suivi, un accompagnement. Donc il me parlait du jeu Physica, me semble-t-il, que malheureusement je n'ai pas pu tester, qui est un jeu qui en fait apprenait certaines notions de force, donc de physique en fait, comme son nom l'indique. Mais sans jamais que l'élève comprenne qu'il utilise des notions physiques. Et en fait, là où intervient l'enseignant, c'est qu'il va permettre de faire le lien, en fait. Il va dire, bah voilà, tu viens de jouer à ce jeu, ça fait des forces, c'était sympa, youpi. Mais voilà, c'est aussi ce qu'on fait en physique. Et ça a quelque chose aussi de... dire quelque chose qui va lancer peut-être un peu de débat, mais de rassurant, puisque l'enseignant est toujours présent, il a toujours besoin d'être là pour accompagner les gens. Et c'est aussi quelque Rassurant chose pour qui, qui? pour les enseignants, savoir qu'ils sont toujours, D'accord. Ils ont besoin de se sentir utiles, voilà, quoi, comme Julien Clerc. peut-être, oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, ils le sont, et c'est tout à fait important, quoi. Alors, le jeu n'est pas une solution miracle qui permet de tout apprendre tout d'un coup. C'est vrai qu'il faut le fait de permettre d'avoir un accompagnement, ça permet de vraiment faire le lien entre ce qui est fait et ce qui est enfin le lien avec le monde réel quelque part, oui. C'est très intéressant cette petite anecdote, puisque un psychanalyste me disait il y a pas longtemps que le jeu avait aussi la fonction de séduction, dans le sens dire à l'instituteur ou à l'institutrice, ou voire même à ses parents, hey, t'as vu, j'ai bien fait ça, j'ai réussi. Est-ce que ça se ressent, est-ce que ça s'est ressenti peut-être comme fonction du jeu qui. Dans le sens où un système de gratification, mine de rien, on en parle beaucoup de la compétitivité, pardon, dans le jeu. Tu veux dire dans le sens valoriser des joueurs par la réussite de leurs actions, c'est ça? Tout Qu'ils à se fait. sentent valorisés. Exactement. Bah ça s'est toujours, oui, ça s'est vu d'une certaine façon. Enfin, ça se voit assez souvent quand je joue. Les gens sont globalement contents de gagner. Hein, c'est quelque chose qui est apparu assez souvent. Donc oui, j'ai eu cette impression-là aussi. Et alors du coup, quid du perdant? Comment C'est comment on gère le perdant? Ça, c'est une vraie question de game design. ouais, c'est une vraie question de game design, c'est sûr, et c'est une question qui est toujours assez compliquée puisque c'est difficile de faire de donner un peu une médaille en chocolat à tout le monde pour dire bravo pour ta participation. Et c'est vrai que c'est délicat enfin j'ai pour tout avouer, j'ai pas forcément de réponse, puisque dans certains cas, il y a toujours des perdants, ils sont là. Bah, malheureusement, c'est compliqué d'incorporer une valorisation pour tout le monde, en fait. Alors, disons que ce qui permet, je pense, de lisser un maximum la frustration, hein, qui peut être générée par la notion d'échec, c'est la notion d'échec, comment dire, d'échec juste, c'est-à-dire je pense que ça a quelque chose de plus, comment on dit, parce que on n'a pas fait les bonnes actions et qu'une autre personne a réussi à faire les actions qui étaient plus adaptées, donc quelles que soient après les compétences, hein, pas forcément de la logique. Le fait de se dire bon ben voilà, j'ai été battu parce que ben la personne a mieux compris le jeu, a mieux joué au jeu. Plutôt que de perdre parce que on n'a pas eu de chance, de perdre à cause d'un mauvais hasard quelque part. Ça, c'est une notion qui permet, je pense, de lisser pas mal les choses. Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui lisse bien les choses pour les enfants. Après, j'ai assez peu constaté de véritable frustration du perdant. En tout cas, dans les ateliers avec les enfants, je pense que dans ce cadre très précis, ça peut être assez intéressant, là aussi, de faire un accompagnement pour valoriser, non pas le résultat, mais les actions au sein du jeu. C'est-à-dire, pendant un jeu comme le jeu pile-poil dont je parlais tout à l'heure, où il faut deviner enfin, il faut arriver à dire des mots avec des bonnes syllabes, ça peut être très, très bien. comment dire, par exemple, de dire, bah voilà, là t'as eu plus qu'à la partie d'avant, ou alors tu as réussi, peut-être de façon beaucoup plus intéressante, tu as réussi à dire un bon mot, vous connaissiez ce mot, non, ah bah voilà, c'est bien, t'as quelque chose, quoi. Tu sais quelque chose, tu as un savoir supplémentaire. Sachant que c'est toujours un exercice d'équilibriste de pas non plus trop valoriser des enfants par rapport à d'autres, et ça c'est un problème qui est d'ailleurs assez récurrent quand on travaille avec des enfants, parce que cette sensation de justice, je pense, est très importante pour tout le monde, mais notamment pour le jeune public. Et est-ce que c'est quelque chose qui se ressent dans la conception de jeu, puisque dans tes ateliers, les pratiquants, enfin les élèves sont amenés à concevoir eux-mêmes des jeux, est-ce que on sent naturellement une attention qui est portée à cette idée que il faut que le perdant puisse être en position d'accepter sa défaite parce que ce sera comme tu disais, un échec juste? Alors, dans la première approche que je propose avec mon atelier, c'est pas vraiment une des préoccupations, puisque en général, déjà les conditions de victoire sont généralement assez simples, ou enfin pour certains ateliers, c'est même un sujet assez difficile. Quand est-ce qu'on gagne au jeu? Quand est-ce que la partie s'arrête? Même les joueurs qui arrivent à, enfin les joueurs, pardon, les participants qui arrivent à aller un petit peu plus loin, il y en a eu un certain nombre quand même, essayer plutôt d'équilibrer le jeu pour mettre là une part importante comment dire, à l'équilibrage du jeu, mais pour que le gagnant, enfin voilà, pour que le jeu soit clair et pour que les personnes sache plus facilement comment jouer au jeu et comment gagner au jeu. C'est vrai que j'ai pas pu constater beaucoup de place du perdant, justement. Après, ça permettait de lancer des débats qui étaient assez intéressants. Alors ça c'est plus, je l'ai plus constaté dans l'ajout de règles. Je vais reprendre encore une fois l'exemple de Double. C'est promis, j'ai pas Non mais c'est d'action bien, dans Asmodée, hein. ça nous fait un running gag pour l'émission. C'est ça, le nombre de fois que j'ai Double. Et puis ça nous change, d'habitude on parle tout le temps de Candy Crush, donc c'est bien de varier un peu les plaisirs. Voilà, c'est ça. Sinon, je peux aussi parler du Monopoly, mais sinon, je peux Ah aussi non, ne pas le ah non. faire. Bon, d'accord, il y a un consensus là-dessus. Donc pour reprendre l'exemple de Double, donc comme je le disais, ce que j'aime bien, c'est mettre la carte Bluff sur Double. Comment est-ce qu'on ajoute du Bluff à Double? Et une des réponses. Alors après, là, je suis très embêté parce que je donne une solution à un de mes exercices. Donc, du coup, les gens qui écoutent le podcast devront me le dire si je leur fais un atelier. Pour comme ça, je leur changerai de carte. Mais bon. Non mais là, il va falloir Donc. carrément changer. La moitié de la planète écoute le podcast, du coup, va vraiment, vraiment falloir quelque chose. Mais je pense que Aïe, aïe, aïe. si tu rajoutes la carte négociation à la place, tu peux obtenir des choses intéressantes aussi. Ah, je pense, oui. La carte narration aussi est assez intéressante avec Double. Il était une fois un cactus, ce genre de choses. Donc avec la carte Bluff, une des solutions que donc je propose, et d'ailleurs que beaucoup de gens arrivent à voir assez rapidement aussi, c'est une variante du jeu où on peut mettre au milieu une carte et dire un symbole qui n'est pas le symbole qui était en commun avec la carte précédente. Donc si par exemple sur ma carte j'ai, je sais pas, une automobile et une main, au milieu je vois ni automobile ni main, bah c'est pas grave, je vais dire main et je vais placer ma carte au milieu. Le problème étant que à n'importe quel moment d'autres personnes peuvent dire non stop, tu bluffes, et auquel cas on vérifie si j'ai effectivement bluffé en mettant cette carte en disant un mauvais symbole, ben je suis très triste et il m'arrive un malus. Par contre, si l'autre personne s'était plantée que j'avais dit le bon symbole, c'est elle qui a le malus. Et ce qui est très intéressant, c'est quel est ce malus? Et alors là, j'ai eu plein de choses différentes. J'ai eu le malus un peu ultime qui était, ah bah tu reprends toutes les cartes du milieu pour toi. Flan. Ok, donc du coup ça implique des notions d'inéquité en fonction du déroulement du jeu, parce qu'au début du jeu, ben, on se prend une carte, tout à la fin du jeu, on se prend une énorme pile de cartes et on est quasiment certain d'avoir perdu. Et donc là-dessus, je posais cette question qui était, bah, est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Et ça, c'est quelque chose auquel les gens n'avaient pas forcément réfléchi. Donc surtout les enfants, donc les assez rares enfants avec qui je faisais cette notion d'ajout de règles, parce que comme je disais, je l'ai pas forcément trop fait pour favoriser d'autres choses. Bah, ça permettait de poser des questions, de dire, ah non, c'est vrai, c'est peut-être un peu trop, machin. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Et du coup, ça permettait d'aller vers cette notion de, bah, comme je le disais, de justice pour pas qu'on ait des situations vraiment beaucoup trop délicates et insupportables, enfin, et insupportables pour certains joueurs, quoi, parce que se prendre une pile de 20 cartes, comme je disais, c'est irrécupérable et c'est extrêmement frustrant, donc ça va pas encourager les joueurs à essayer de prendre des risques. Ça, c'est ce que j'ai pu essayer d'apporter là-dessus. Et puis, j'ai aussi pu voir certains comportements assez intéressants, donc notamment avec une association à Besançon, qui eux est une association de qui font la promotion du compostage urbain, et donc du coup, ils sont dans une optique très éco-citoyenne et de partage, tout ce genre de choses. Et eux, ils voulaient absolument faire un jeu coopératif, parce que pour eux, c'est extrêmement important que les joueurs coopèrent vers un but commun, parce que justement ils ne voulaient pas de notion de perdant et de gagnant. Donc là pour eux c'était extrêmement important, mais parce qu'il y avait une sensibilité vraiment en amont, quoi. Et c'était un peu un des contre-exemples de ce que j'ai pu observer où il y avait finalement assez peu de jeux coopératifs, même si c'est arrivé de temps en temps, et assez peu de notion de qu'est-ce qui se passe pour le perdant? Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai effectivement pas trop observé pour te répondre. Donc il y avait effectivement assez peu de jeux coopératifs. C'était exactement la question que je voulais poser après. Dans le cadre d'un atelier qui est lui-même coopératif, qui fait travailler des gens ensemble, finalement, le réflexe du jeu coopératif ne vient pas naturellement. Eh ben non, c'est assez intéressant, mais je l'ai assez peu vu. J'essaye de creuser ma tête parce que là les exemples étaient assez nombreux et je les ai pas trop classés, mais il me semble pas en avoir vu beaucoup du tout. En général, on avait plutôt des jeux de confrontation entre les joueurs. C'est l'exemple qui revenait le plus naturellement, effectivement. De là Alors à c'est peut-être dire dû. que... Vas-y. Non, non, non, vas-y, je t'en prie. C'est peut-être dû au fait qu'on a une habitude, une culture du jeu compétitif qui est plus présente que celle du jeu coopératif. Donc même s'il y a de plus en plus de jeux coopératifs intéressants qui naissent, on a quand même beaucoup à avoir grandi avec certains jeux, je sais pas, les dames, les échecs ou le Cluedo ou des choses comme ça qui sont des jeux plutôt compétitifs, effectivement. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que de là à dire que c'est peut-être quelque chose de significatif dans notre culture actuelle, il n'y a qu'un pas que je ne franchirais pas. Autre point que je voulais aborder et qu'on n'a pas traité jusqu'à présent, c'est le cas de la triche. Comment est pris la triche dans les différents pays et aussi dans les différentes classes d'âge? Ouais, finalement, je l'ai pas tant observé que ça globalement, donc j'ai assez peu d'éléments de réponse Et en même temps, une là triche comme bien ça. faite, ça ne se voit pas. Normalement, une triche bien faite ne se voit pas, c'est sûr. Donc peut-être que tout le monde a échappé à mon intention. Non, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Alors si, toujours sur cet exemple de double, il y avait des gens qui se posaient la question de bluff, comment est-ce que je mets le bluff en place et quelle est la différence entre le bluff et la triche? Donc enfin, donc ça a imposé des réflexions sur comment est-ce que la triche pouvait être faite dans un jeu, comment elle pouvait être régulée. Mais en dehors de ce cadre finalement assez spécifique, j'ai pas observé beaucoup d'éléments qui me donnent du grain à moudre là-dessus. Voilà. Alors, on en parle depuis le début de ce podcast comme si ça tombait sous le sens, mais tu as effectivement travaillé sur une base de jeux de société. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler plutôt sur du jeu de société, toi-même qui avais une pratique aussi, pas seulement de plateau, mais aussi une pratique vidéoludique, dans ta formation initiale? Alors, la raison numéro un, c'était un aspect pratique, pragmatique, logistique. Faire des ateliers de création de jeux de société, ça demande du papier, des crayons, des mécaniques cartes, éventuellement, oh là là, des feutres et des meeples. C'est quelque chose qui peut se faire un peu partout, tout le temps. Voilà, je m'étais même amusé à faire un espèce de turbo atelier en bar avec des copains où on avait juste un coin de table, un stylo et puis des pions qui traînaient, quoi. Ça, voilà, ça c'est la logistique pour un atelier de création de jeux de société, pour résumer le truc, même si c'est bien d'avoir du matériel un peu fancy, des sabliers, des choses comme ça. Création de jeux vidéo, ça demande des ordinateurs. Donc c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, toutes les structures ne peuvent pas se permettre d'avoir ça, donc ça réduisait le champ des possibles pour moi, puisque en termes de structure, à l'heure actuelle, j'ai travaillé avec donc des centres culturels, des écoles, avec des clubs de jeux de société, je travaillais dans des maisons aussi, enfin avec des gens qui m'hébergeaient via Couchsurfing, donc quelque chose d'assez vaste, et c'est ce côté... Ouais, ce côté atelier minute, quoi, puisque comme j'avais aussi mon sac à dos, j'étais bien content de pas transporter de PC aussi. Donc ça, c'était l'aspect numéro 1. Après, c'était pas du tout le seul. Ce qui m'intéressait aussi, c'était aussi cet aspect. Avec la création de jeux de société, on s'affranchit beaucoup plus de la technique. Donc, il y a des façons de créer des jeux vidéo qui sont assez peu demandantes, donc notamment en utilisant des logiciels comme Construct ou Scratch, qui est un logiciel développé par le MIT pour enseigner la programmation à des enfants, qui est donc assez intéressant. Malgré tout, on a quand même besoin de plus d'accompagnement et d'un savoir-faire technique plus important pour réussir à faire quelque chose de satisfaisant dans le jeu vidéo. Dans le jeu de société, on a besoin, bon, voilà, du matériel que j'ai cité tout à l'heure, qui est assez restreint. C'est mieux si on a un peu de théorie, c'est bien si on a de l'accompagnement pour essayer de permettre d'avoir un, de pas, enfin d'avoir quelque chose en fait, parce que mon approche là-dessus, c'est que j'essayais de pas, enfin moins j'étais présent, mieux c'était, c'est-à-dire j'essayais pas de dire aux gens, hey, si tu faisais tel mécanisme, parce que ça n'a évidemment aucun intérêt, mais c'était plutôt d'essayer de, s'ils commençaient à bloquer ou s'ils étaient un peu perdus dans leur réflexion, de les aider. Voilà, donc ça c'est tout ce dont il y a besoin pour un atelier, et ça permet donc de s'affranchir de problèmes qui peuvent être un peu frustrants pour la création de jeux vidéo. C'était une de mes motivations principales. Et alors, question pas piège, mais presque, Oh là là. est-ce que tu as provoqué des vocations? Est-ce que il y a d'un seul coup des enfants qui se sont dit, ah, oh, mais créer des jeux, c'est super, je dois en faire mon métier? Ah, bon, ça va, je m'attendais à plus piège. Alors, t'en as peut-être pour plus tard, hein, on verra bien. Alors, j'ai pas. Alors, ce qui est compliqué avec ce projet, c'est que j'ai du mal à avoir des retours bien après mon passage. C'est-à-dire que sur le coup, il y a un enthousiasme, il y a des jeunes qui étaient intéressés, des moins jeunes aussi, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'ateliers avec des adultes, et il y avait des gens qui avaient l'air intéressés par la création, par tout ça. Après, être intéressé par quelque chose, c'est super. Vouloir continuer à le faire après, c'est quand même autre chose. Donc, je sais pas vraiment si j'ai créé des vocations. Oh, je serais mais ravi, au septième ciel, finalement, si des personnes pouvaient se dire, ah, c'est trop bien, j'ai trop envie de faire des jeux maintenant, puisque c'est quand même un des objectifs, un petit peu caché, mais pas trop quand même, de mon voyage. C'est essayer de montrer que, hey, faire des jeux, c'est pas très compliqué en fait. Et alors Dans les justement, grandes lignes. pour un game designer débutant, c'est un conseil que tu donnerais de passer par le jeu de société pour des raisons tout simplement logistiques. Ça permet effectivement de se concentrer tout de suite sur le game design sans avoir besoin de se coller en plus au code. Ben alors oui, plutôt oui. Je pense que pour quelqu'un qui veut se mettre au jeu vidéo, c'est aussi bien de ne pas rester uniquement trop longtemps sur le jeu de société, parce qu'il y a des contraintes spécifiques aux jeux vidéo qui sont quand même bien présentes, et ces deux corps de métier qui sont designer de jeux de société, designer de jeux vidéo, c'est des corps de métier qui appellent un nombre de compétences similaires, mais qui ont quand même des spécificités assez précises. Donc, notamment le designer de jeux vidéo, il va travailler avec une équipe très pluridisciplinaire, puisque créer un jeu vidéo, c'est pas une mince affaire, ce qui veut pas dire que le jeu de société est facile non plus. Mais en dehors de ça, je pense que c'est un bon point de départ, c'est aussi un bon point de complément à n'importe quel moment. Ça permet effectivement, comme tu dis d'ailleurs, de se détacher des problèmes techniques. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir que c'est l'approche qui est utilisé par différentes écoles de jeux vidéo, en tout cas en France à l'heure actuelle, je sais pas trop pour l'étranger pour l'instant, notamment l'Engmin d'Angoulême avait cet atelier de création de jeux de société et maintenant essaye de faire encore plus de choses dans ce goût-là. Et là, les premières années qui sont rentrées en octobre ont eu le droit, lors des trois premiers jours, à une grande immersion où l'idée c'était, voilà, c'est la rentrée, vous êtes tous ensemble, une promo de 65 élèves, toutes disciplines confondues, puisque à l'entrée de cette école, il y a une différenciation entre les spécialités. Là, c'est pas grave, toutes les spés sont confondues, allez-y, faites un jeu de société, vous avez trois jours. Bam. J'imagine que le succès d'un certain nombre de productions françaises en jeux de société, y compris à l'international, on a pour les auditeurs qui n'auraient pas été attentifs depuis le début de l'émission, on a parfois cité Double, mais je pense aussi à du Jungle Speed ou à du Dixit, histoire de varier un peu les plaisirs, ou même du Hanabi qui, je crois, a eu quelques prix à Essen récemment. J'imagine que le succès de ces jeux-là et du coup le succès commercial aussi fait que pour des écoles, ça devient un enjeu pour des écoles de game designer de dire vous pouvez faire autre chose que du jeu vidéo, vous pouvez gagner votre vie, vous pouvez faire votre carrière dans un autre secteur. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que de plus en plus des étudiants qui sortent de ces écoles, donc là pour le coup, je vais parler de la mienne parce que je connais un petit peu plus, de plus en plus d'étudiants qui sortent de mon école se dirigent vers le jeu de société. Enfin, je ne sais pas pour de plus en plus, mais en tout cas, il y en a. Donc, notamment Antoine Boza, dont on parlait, qui a fait Nabi, Seven Wonders et d'autres jeux qui ont eu un succès modeste par le passé comme ça. Antoine Boza vient de notre école en fait, c'est-à-dire a fait la formation il y a très longtemps. C'était un DESS à l'époque. D'autres game designers ont continué après dans le jeu de société. Il y en a un par promo ou un tous les deux ans, mais ça arrive et je pense qu'il y a un véritable attrait qui est là, qui est de plus en plus visible. Les jeux de société, c'est un domaine qui n'a jamais été aussi successful, vaste, enfin bien, cool, qui est un vrai marché sur lequel il y a un truc à faire. Il y a plein de jeux qui sortent. En France, on est d'ailleurs plutôt bien positionné avec des trucs comme Asmodée et plein de très bons créateurs. Donc oui, c'est quelque chose que les écoles de création de jeux ça serait malvenu pour eux de passer complètement à côté du phénomène, quoi. Et très vite me vient une question, puisqu'on parle quand même de success story, de gens comme Boza qui sont connus pour leur production. Quand on pense justement, puisqu'on parle de Boza, tout de suite on pense à ces jeux avec des illustrations qui sont assez magnifiques. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeu marche commercialement, en fait, selon toi? Puisqu'on parle des jeunes en devenir. Si on nous donne la recette, honnêtement, je ne publie pas le podcast parce que je me la garde pour moi. Écoute, si jamais t'as des idées, n'hésite pas à me les dire, puisque moi-même je travaille sur mon jeu de société, donc je serai friand. La recette, c'est compliqué, hein. Parce que c'est un mélange d'un peu tout. Je pense que c'est le mélange de communication, parce que les game designers qui veulent se lancer dans le jeu de société, ou même le jeu vidéo, que ce soit indépendant ou les gens qui créent leur boîte, ont énormément de choses à faire sur la communication pour pouvoir essayer de se rendre visible, participer à des concours, tout ce genre de choses pour montrer que ils sont là, qu'ils ont un proto qui peut être édité, tout ça. Ensuite, ça, pour que le jeu soit, quand le cap de l'édition est passé, pour que le jeu soit effectivement un succès commercial, il faut que les éditeurs puissent avoir la force de frappe derrière pour pouvoir aussi faire de la communication, vendre le jeu. Donc des aspects qui sont très pragmatico-monéto-pragmatiques, certes, mais qui sont C'est impossible de passer à côté de tout ça. Évidemment, ça fait pas tout puisque un jeu très très nul qui est très très bien commercialisé, enfin qui est très très bien marketé, bah le problème c'est que c'est un jeu très très nul et donc du coup il y a un moment où avec le nombre de critiques sur des sites assez pointus comme Trick Track ou Board Game Geek à l'étranger, c'est impossible pour un mauvais jeu de se faire passer pour un bon jeu. Enfin, c'est très compliqué, surtout dans le jeu de société, à mon sens. Et du coup, c'est bien d'avoir une vraie qualité de jeu et pour être un créateur qui a qui propose une vraie qualité de jeu, il y a beaucoup de persévérance, beaucoup de prototypes ratés, parce que je pense que pour un jeu qui marche bien, il y a 15 prototypes ratés derrière. D'idées différentes, hein. Pas le même jeu. Et après, il faut tester le jeu, oh, je pense, un bon milliard de fois pour être sûr de vraiment savoir si il roule bien, faire des ajustements, être ouvert à la critique, tester le jeu avec plusieurs publics différents, un grand nombre de publics, et puis essayer aussi d'être conscient un peu du contexte du monde de la création. Donc, par exemple, il y a un jeu qui est sorti l'an dernier qui a été un très grand succès, c'est le jeu Love Letter, qui est un jeu minimaliste avec un tout petit nombre de cartes, 16 ou quelque chose comme ça, et qui pourtant marche très bien, non seulement commercialement, mais en termes de mécanisme à mon sens. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, ah, Love Letter a trop bien marché, viens, on va faire des copies de Love Letter, et qui sont engouffrés dans la brèche comme pas possible. Et du coup, il y a eu une énorme saturation ces derniers mois des Love Letter-like, qui fait que maintenant, une personne qui va sortir un jeu de cartes minimaliste va être confronté à l'immense saturation des joueurs en fait qui juste s'en sont trop pris d'un coup quoi. Finalement, c'est un peu comme les roguelikes dans le jeu vidéo. C'est un peu comme les roguelikes dans le jeu vidéo, même s'il y a des productions tellement chouettes qui sortent en ce moment que heureusement on s'en lasse pas trop quoi, à mon sens. Moi, j'aurais eu peut-être un dernier élément qui peut fonctionner pour faire marcher un jeu assez fort, et je crois que c'est quelque chose que Antoine Boza a bien compris, mais le jour où on l'interviewera, on aura l'occasion d'en discuter avec lui, c'est de ne pas avoir de texte en dehors des règles. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près systématiquement dans ses jeux à lui, mais aussi dans des jeux qu'on a pu citer ponctuellement depuis le début de cette émission, comme Double. Je rajouterai aussi à nouveau Jungle Speed, c'est-à-dire des jeux où, ok, on a les règles d'un côté, mais en tout cas tous les éléments de jeu, les totems, les pions, les cartes, les jetons n'ont pas de texte sur eux. Et c'est un truc bête, mais en fait, pour travailler en international, ça facilite quand même considérablement les choses. Je pense qu'un jeu comme Dixit, par exemple, a considérablement bénéficié de cette vertu. Je suis globalement d'accord avec ça, effectivement, surtout sur l'analyse pour Dixit. Après, il y a aussi quelques jeux qui sont encore des jeux, donc notamment des jeux de cartes, qui arrivent à toujours avoir du texte sur eux et à bien marcher. Un exemple que j'aime beaucoup et qui fait une grande résonance à nos deux propos en même temps, donc tout le monde sera content, c'est le jeu de cartes Gozu, qui est sorti il y a déjà quelques années. Un jeu de cartes inspiré de Magic, sauf qu'on a un deck unique, que deux joueurs ou trois ou quatre vont piocher pour constituer une armée pour attaquer un adversaire, hein, en très résumé, en 2-2. L'idée, c'est que chaque carte de ce paquet de cartes a du texte, parce qu'il a une action particulière. Il y a tel monstre, on le place, ça fait ça, machin. Oui, on est Et dans une du coup, logique à la c'est... Magic, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, ils se sont dit, ah bah c'était bien, mais on va le ils ont eu des problèmes pas possibles pour l'exporter, puisque ils devaient refaire tous les textes. S'ils faisaient une modif, il fallait tout refaire. Enfin bon, c'était un peu une galère. Et du coup, ils l'ont ressorti il y a assez peu de temps en version sans texte, donc pour justement aller dans cette mouvance de du tout symbolique, avec tout est en symbole. Il n'y a pas de texte. Donc du coup, ça s'exporte. Il y a moins de frais de traduction. Et en plus de ça, quelque part, on s'ennuie pas à lire toutes les cartes. Bon, alors, moi personnellement, quand j'ai vu le jeu, j'étais tout à fait perdu parce qu'étant habitué à la version textuelle, je comprenais plus rien au symbole et en plus des règles ont changé. Mais c'est probablement une histoire d'habitude. C'est probablement une histoire d'habitude à avoir, quoi. Oui, Voilà, il y en a quand même quelques-uns. c'est un peu comme sur le jeu. Je pense à, on l'a cité, Seven Wonders, mais on le retrouve aussi dans des jeux comme Bang, qui s'appelait antécédemment Wanted. On fait beaucoup de name dropping en fin d'émission, où il y a, en gros, il y a une syntaxe des symboles à comprendre, quoi. Tout à fait. Et c'est important d'ailleurs d'avoir une bonne compréhension des symboles. Et c'est là que des gens qui ont des connaissances en mis en symbolique, je pense, vont avoir de plus en plus leur place dans les jeux de société. Alors, moi, j'avais toujours une question, parce qu'on a parlé un petit peu jeux vidéo, un petit peu jeux de société. Est-ce que tu t'es posé la question de l'usage du jeu de rôle, qui est un peu ma marotte à moi, pour le coup, du jeu de rôle dans ce cadre pédagogique aussi, pas forcément en tant que jeu pratiqué, mais aussi en tant que jeu dans sa conception? Je me suis posé quelques questions. Alors c'est marrant parce que il y a quoi 3 semaines j'aurais été assez sec sur la question. Bah, on a bien fait de J'ai pas une faire le podcast expérience. plus tôt. Voilà, tout à fait. Le hasard fait bien les choses. J'ai une expérience de jeu de rôle qui est assez limitée. Donc j'ai été joueur et maître jeu de temps en temps, mais pas plus que ça. En revanche, il y a longtemps, avant de commencer mes études de game design, j'ai eu une super idée. Hein, forcément, toutes les idées sont fantastiques. En fait, on se rend compte que les idées, c'est que 10% du boulot. D'une murder party, en fait, avec une thématique assez particulière sur le monde de Alerte Rouge 3, de fait. Et je l'ai commencé il y a très longtemps, il y a plus de 5 ans, et je l'ai complètement laissé tomber parce que j'avais pas le temps et plein d'autres raisons de procrastination diverses et variées. Et j'ai repris en fait cette murder il y a très peu de temps, il y a 3 semaines. Et du coup, je suis retombé sur ce que j'ai fait il y a 5 ans, c'est-à-dire avant de faire mes études de game design et aussi de travailler dans le milieu un petit peu. Et je me suis rendu compte que mon approche était totalement différente à l'époque et que à l'heure actuelle, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la conception d'une murder party. Parce que j'avais des notions, donc des notions qui finalement peuvent paraître assez abstraites en l'occurrence, mais qui sont les notions d'expérience, les notions d'équilibrage. Qu'est-ce que je veux faire avec ce jeu? C'est-à-dire quelles sont les priorités aussi? C'est-à-dire comment est-ce que j'organise mon processus de conception? Est-ce que je vais commencer par foncer tête baissée, faire une fiche de personnage? Dans mon cas, c'est pas du tout une bonne idée. Est-ce que je vais plutôt faire quelque chose de plus global? Donc oui, je pense que le fait de concevoir des jeux vidéo et des jeux de société à titre personnel m'a aidé à avoir une approche de la conception de scénarios de jeux de rôle qui était plus optimale. Après, je me suis pas penché sur l'utilisation du jeu de rôle dans l'enseignement et dans la pédagogie pour l'instant, mais peut-être plus tard. Bah oui, ça fait encore des sujets à explorer. Alors pour nos auditeurs qui seraient pas familiers du terme, Murder Party, c'est pas une soirée où on s'amuse à tuer des gens, mais plutôt une soirée enquête, puisque c'est la traduction française, à savoir quelque chose qui serait à mi-chemin entre le théâtre d'improvisation et le Cluedo. Voilà, ça vous donnera une meilleure idée de ce dont on parle si jamais vous n'étiez pas familier de la terminologie. Sinon, on vous recommandera votre moteur de recherche préféré pour en savoir un peu plus. Mais il s'agit en aucun cas de quelque chose dont il faut s'effrayer. On commence à avoir fait pas mal le tour de la question, Adrien, si je ne m'abuse. En plus, on a passé les 1h10 d'émission depuis une poignée de secondes. Aurélien, je pense que pour nous, il va être l'heure ou presque de te remercier. On va avoir une dernière question avant. Alors, je crois que c'est Adrien qui va pouvoir te la poser. J'espère qu'il sait lire dans mes yeux et qu'il sait quelle question je veux poser. Et oui, parce que certes, il y a les running gags du Candy Crush, mais il y a aussi la running question. Tout simplement, en ce moment, à quoi tu joues? En ce moment, je joue au Binding of Isaac. J'y joue beaucoup. Je Toi pense que j'y joue même aussi. beaucoup trop. Ah là là, oh là là, je suis en train d'essayer de débloquer les succès de The Lost. Il me reste 11 succès avant de finir le jeu. Mais C'est dur. en plus, j'ai joué 100 heures à Binding of Isaac normal et là, je suis relancé dans le nouveau. Je sais pas pourquoi. Je suis complètement accro à ce jeu. Voilà. Du coup, on en sort un peu plus. Et en jeu de société, peut-être quelque chose? En jeu de société, je joue beaucoup. Enfin, j'essaye de jouer beaucoup à mon propre prototype, donc du coup, ça me met dans une dynamique assez particulière. Et à part ça, j'ai pas trop eu l'occasion de jouer, malheureusement, sachant que j'ai une pile de jeux à essayer. Bien que Bon. récemment, j'ai eu un gros coup de cœur pour Five Tribes, comme je pense beaucoup de gens, mais je pense qu'il le mérite. Voilà. Eh ben merci beaucoup pour ces petites recommandations, Aurélien, et puis merci d'avoir participé à ce podcast. On vous rappelle donc que Ludologie est publiée sensiblement tous les 15 jours, hein, sauf accident. Nous vous retrouvons. retrouverons donc dans 15 jours. Vous pouvez, en tout état de cause, vous qui nous écoutez, aller écouter les podcasts précédents si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez bien entendu déposer vos commentaires et vos questions. Nous ferons un plaisir d'y répondre ou éventuellement, le cas échéant, de les relayer à nos invités. On espère que vous êtes bien amusés en écoutant cette émission, ce podcast. Et puis, on espère surtout que vous vous amuserez bien en jouant. Et puis, qui sait, peut-être même en créant des jeux. Et moi, je vous dis merci beaucoup, Manuel et Adrien.